Chapitre 5e. Quand M. de Lalonde manquait un jour aux 5 heures de la comtesse, il venait le lendemain la voir très tôt, avant l'heure où elle sort habituellement. Redoutant de se trouver seule avec lui, craignant même de le rencontrer si elle sortait, elle courut chez sa belle-mère. « Maman, je vous emmène. » « Où ça ? Nous promener, faire des courses et ensuite aux aquarellistes. Voyez quel admirable temps. Nous irons dans la Victoria. Cela vous fera du bien par ce beau soleil. » « Non, je deviens vieille tout à fait. Je ne sais plus quitter le coin de mon feu. » « Je vous en prie, » dit Josette, câline. Madame Morel ne savait rien refuser à sa belle-fille. Elle se leva en souriant et répondit « Soit, je vais m'habiller. Mais je ne comprends pas quel plaisir vous trouvez à traîner à votre suite une vieille femme maussade dont la présence éloigne la jeunesse. »« Maussade ? » s'écria la comtesse. « Allons donc, vous êtes très gaie, et je m'amuse bien plus avec vous qu'avec les jeunes. » Elles sortirent ensemble. Josette, fiévreuse, animée, parlait beaucoup, cherchant à s'étourdir, et son agitation n'échappa pas à la clairvoyance de sa belle-mère. « Maman, nous allons d'abord chez Virot. Vous m'aiderez à choisir un joli petit chapeau. Mais celui que vous avez me paraît fort bien. Eh bien, nous tâcherons que l'autre soit encore mieux. Je veux être très belle aujourd'hui. » Lorsqu'elles entrèrent dans la grande pièce meublée de chapeaux et de mille charmants, il n'y avait encore personne. Mais au fond, dans le petit salon, une dame était assise devant la glace, tournant le dos aux arrivants. Debout, près d'elle, un monsieur jugeait l'effet des chapeaux essayés et donnait son avis. Il avait cette attitude gauche et un peu ridicule qu'a forcément un homme appelé en consultation chez la modiste. En apercevant dans la glace les deux femmes qui s'avançaient derrière lui, il fit un brusque mouvement de retraite vers la gauche et disparut au fond de la petite pièce, affectant d'être vivement absorbé par la contemplation des chapeaux. Josette éclata de rire. « Tiens, l'oncle Jean est la toujours belle Madame de Villefranche. Pourquoi se cache-t-il ? Ce n'est pas gracieux pour elle. Dites donc, maman, à combien de gens pensez-vous qu'elle a déjà demandé des conseils de ce genre ? Josette, voyons, si elle t'entendait. » « Oh, si elle entendait, » dit la comtesse d'un air grave et consterné, et changeant brusquement de ton, ça lui serait bien égal. » Puis revenant à son idée, « Je demanderai ça au baron Jassy, il a la manie des statistiques. Pauvre oncle Jean, a-t-il l'air assez bête au moins ?» S'installant sur le tabouret, devant une des grandes glaces, elle avait ôté son chapeau. « Vous savez, Madame Virot, une petite capote toute simple, un rien, qui soit un amour. » Tandis qu'elle essayait, Madame Moret, assise dans un grand fauteuil devant la fenêtre, admirait l'éclatante beauté de la jeune femme que le grand jour cru de la rue de la Paix ne parvenait pas à enlaidir. J'aime cette petite capote, Madame Virot, c'est seulement la nuance des brides qui ne va pas avec ma robe. On les changera. Pouvez-vous attendre un instant ? Sans doute. » Pendant que Madame Virot donnait ses ordres, la comtesse, penchant vers sa belle-mère, lui dit « Espérons que ce pauvre Jean n'est pas trop pressé, car le voilà bloqué dans son petit coin. S'il n'y avait que moi, il sortirait. Mais à cause de vous, il va avoir de la tenue. C'est d'un drôle. » Et elle riait de bon cœur, oubliant son chagrin. D'ailleurs, sans bien s'en rendre compte, elle espérait encore un peu. Lorsqu'elle eut sa petite capote, elle la noua à la diable, se regarda à peine et entraîna Madame Moret en jetant un dernier coup d'œil sur le salon d'essayage de l'oncle Jean. La rue de Sèze était encombrée de voitures. Cette rue, autrefois si paisible, a, depuis la construction de la galerie Georges Petit, un aspect extraordinairement animé. De fils serrés d'équipages et de fiacres allaient du boulevard à la place de la Madeleine, déversant leur trop-plein dans la rue Godeau de Montroy et dans la rue Vignon. « Il va y avoir un monde fou, » dit Madame Moret, en descendant de voiture sans enthousiasme. Il y avait du monde, mais pas trop, et dès l'entrée, elle se rassura. Josette était déjà en arrêt devant les pastels de Tissot. Cette façon de procéder, attrayante dans sa sincérité bizarre, la séduit. Et elle est grande admiratrice du peintre. Aussi, voyant sa belle-mère monter les marches, elle protesta. Comment? Vous voulez déjà voir les aquarelles? Je croirais plutôt que Madame Moret veut s'asseoir, répondit un grand garçon d'allure assez correcte qui descendait l'escalier. Ah, monsieur Lagardy, s'écria Josette, vous allez nous montrer l'exposition. Ce me sera un grand plaisir, mais est-ce que vous avez vraiment l'intention de regarder les aquarelles? Et pourquoi donc viendrais-je? Pour le monde. Toutes ces dames ne viennent pas pour autre chose. Eh bien, accordez-moi de n'être pas toutes ces dames, et veuillez m'indiquer ce qu'il faut voir. Où donc est ma mère? Ici, répondit doucement Madame Moret, qui, arrêtée contre la porte d'entrée, hésitait entre la bouche de chaleur et les divans de la salle. Voulez-vous tout voir? Demanda Lagardy. Où passons-nous les ennuyeux? Passons-les. Tenez, voici monsieur de Laffaire qui sera aussi de cet avis, n'est-ce pas Laffaire? Et se tournant vers sa belle-mère, « Maman, mon vieil ami Pierre de Laffaire, retour de... à propos de quel pays arrivez-vous? Je suis heureuse de vous voir, monsieur, car je vous connais depuis longtemps, répondit aimablement la vieille femme qui, enveloppant Pierre de son regard pénétrant, se dit tout de suite « Celui-là est un brave garçon. » « Monsieur Lagardy a l'obligeance de nous guider, » reprit Josette. Et, les présentant, « Monsieur Lagardy, le vicomte de Laffaire. Allons, commençons notre excursion. Tiens, les Ledru, et Paul, » ajouta-t-elle, en désignant à sa belle-mère le comte qui entrait à la suite du père et de la fille. Le souriant visage de Madame Moret se rembrunit. « Encore ces gens, » dit-elle d'un air découragé. Je ne suis pas tranquille de savoir Paul dans ce milieu. Ce Ledru est un lanceur d'affaires, un homme taré, véreux. Josette eut un singulier regard et murmura « Pourvu mon Dieu qu'elle ne se doute pas du reste !» Puis elle répondit aux saluts et compliments empressés des Ledru. La jeune fille, avec sa beauté blonde et grave et son beau sourire chaste et doux, a quelque chose d'idéalement pur. L'expression reposée de ses yeux bleus et de sa petite bouche sérieuse, au contour naïf, lui donne un grand charme. Pierre de Laffaire, qui l'examinait attentivement, fut surpris de l'étrange attrait de cette beauté en quelque sorte biblique. Il la trouva bien plus belle que la veille à l'opéra. Mademoiselle Ledru avait une superbe toilette, d'un luxe excessif et néanmoins bien jeune fille. Lagardy lui en fit gentiment compliment, et le père Ledru s'empressa de dire en riant « Vous savez, ne vous gênez pas, prenez des notes. »« Merci, » répondit sèchement le journaliste, « je ne fais pas les modes. » Il exécrait l'ancien notaire, qui avait toujours l'air de le traiter en inférieur. Depuis longtemps, il lui réservait, comme il dit, un chien de sa chienne, et certes, les occasions d'attaquer le père Ledru ne manquaient pas. Une seule considération retenait Lagardy, qui est moqueur mais pas méchant. Il craignait de nuire à Mademoiselle Geneviève Ledru. L'idée de faire un tort quelconque à cette jeune fille lui était insupportable et arrêtait toujours les insinuations ou les boutades qui, sans cela, fussent tombées dru comme grêle sur la tête du spéculateur peu scrupuleux. « Ah, comme je me dédommagerai quand elle sera mariée, » disait-il souvent. Et personne plus que Lagardy ne souhaite le mariage de la douce Geneviève, mais, chose bizarre, elle ne semble pas devoir de sitôt se marier. Elle a, dit-on, 25 ans, et malgré sa beauté et ses 3 millions de dot, on ne connaît personne qui se soit mis sur les rangs. C'est à tel point que les amis du journaliste lui disent en plaisantant « Tu n'auras d'autre ressource que de l'épouser toi-même. » Josette, craignant que la conversation ne tourne à l'aigre, voulut faire diversion. « Quel joli talent à Béraud, » dit-elle. Monsieur Ledru répondit sentencieusement « Ce n'est pas du grand art. » La comtesse se retourna presque en colère. « Pas du grand art, et pourquoi ça? Parce que ce n'est pas ennuyeux? Je ne sais pas si c'est du grand art, mais dans tous les cas, c'est un art bien français. » « Une note vulgaire, » balbutia Monsieur Ledru. « Vulgaire, vraiment ? Eh bien, mais Henri Monnier n'avait pas la note très distinguée, que je sache, et ça ne l'empêchera pas d'être immortel. » « Enfin, vous m'avouerez bien que toute cette nouvelle école manque de science, et que pas un des nouveaux ne va la cheville de l'ami, par exemple. Voyez ce cheval alezan. Ah, vous trouvez ça ? Vous préférez un cheval de Jane Lamy à un cheval de Lewis Brown. Eh bien, pas moi. Je les connais, les chevaux de Lewis Brown. Je les rencontre, je monte dessus. Ils vivent, tandis que les autres sont en carton ou en bois et n'existent que dans l'imagination de l'artiste. Mais il paraît que c'est du grand art. Vous avez peut-être raison, dit le dru, qui a pour principe que toute discussion ne rapportant rien est inutile. Josette s'était éloignée. Elle lâchait décidément les autres, résolue à voir l'exposition pour son propre compte, laissant son mari montrer à Mademoiselle Ledru les aquarelles de Leloir, tandis que Lagardy lui nommait les célébrités présentes. Madame Moret avait fini par s'installer sous un palmier, d'où elle surveillait les opérations de chacun. Le père Ledru, apercevant l'aréole, s'empara de son bras et lui dit à voix basse « Ça va encore baisser. Encore ? Oui, mais inutile de crier ça tout haut, n'est-ce pas ?» Monsieur de l'affaire avait rejoint Josette. Elle regardait distraitement la salle. « À quoi pensez-vous ? » ?»« À rien, je regarde. Quel drôle de monde. Exposants, acheteurs, modèles, amateurs. » »« Sans parler de ceux qui viennent tout simplement pour se rencontrer. » »« Et de celles qui viennent pour se montrer ?» « C'est pour Madame de Guibray que vous dites ça ?»« Madame de Guibray, pourquoi ? Est-ce qu'elle est là ?» Josette se retourna et vit à quelques pas Monsieur et Madame de Guibray arrêtés devant les King Charles de Lambert. Ils causaient avec Monsieur de Lalonde. Rapidement, malgré elle, la comtesse s'approcha, attirée par la présence d'André. Elle ne raisonnait plus. Elle était heureuse de le retrouver, voilà tout. Et lui ? Il venait peut-être pour la voir ? N'avait-elle pas la veille, à l'opéra, annoncé qu'elle irait aux aquarellistes ? Monsieur de l'affaire la suivit, et tandis que Monsieur de Guibray, ravi de le revoir, lui sautait presque au cou et le représentait de nouveau à sa femme, Josette et André se trouvèrent un instant isolés. « Comment m'excuser ? » dit Monsieur de Lalonde avec un certain embarras. « J'ai été retenu hier au ministère, impossible de m'échapper pour aller vous voir. » Et tout à l'heure encore, il s'arrêta. La jeune femme restait muette et glaciale. Ainsi, au lieu de lui dire franchement « je ne vous aime plus », il mentait bassement, cherchant une excuse, un prétexte. Cet être, qu'elle s'était plu à placer si haut, ne valait-il donc pas mieux que les autres ? Et pendant que lui venait cette pensée, le franc visage de Pierre de l'affaire, placé derrière André, lui apparaissant en pleine lumière, la frappait comme si elle le voyait pour la première fois. « Est-ce que vous m'en voulez ? » demanda doucement M. de Lalonde, surpris de ce silence prolongé. Josette avait retrouvé son sang-froid. Elle répondit d'un ton dégagé. « Moi ? Pourquoi vous en voudrais-je ? Êtes-vous donc forcée de venir me voir ?» Elle avait la voix brève. Ses yeux prenaient la teinte vert pâle précurseur des colères. Monsieur de Lalonde, redoutant une imprudence quelconque, se rabattit habilement vers le groupe en admirant les soldats de taille. En ce moment, Madame Hart passait, pilotée par Dammartin. Petit, maigrelet, étriqué, l'air efféminé, Dammartin, plus connu sous le nom de la vieille rognure, est l'homme le plus spirituel, le plus laid, le plus poltron et le plus méchant de Paris. Sous une enveloppe endormie et en apparence indifférente à tout, il cache une dévorante activité et un effroyable cynisme. Partout où il y a de la boue, il la ramasse, pour avoir le plaisir d'en lancer à ses voisins, dussent les éclaboussures jaillir sur lui. Si redouté qu'on ose le tenir à l'écart, si amusant qu'on éprouve, malgré tout, un certain plaisir à le recevoir. La vieille rognure est l'âme de ce monde entre le ziste et le zeste, où l'on rencontre surtout des gens tarés, mais où se fourvoient aussi quelques honorables naïfs. Possesseur d'une grande fortune patrimoniale, Dammartin, en dépit de sa laideur chétive et malsaine, est, tant pour le bon que pour l'autre motif, le point de mire de bien des attaques féminines. Pour l'instant, la passion qu'il semble inspirer à la splendide Madame Hart l'amuse prodigieusement. Cette belle créature politico-exotique l'intrigue. Est-ce une espionne étrangère ou une mouche de la police ? Est-elle née à Berlin, à Pétersbourg ou tout bonnement à Ménilmontant? C'est ce que personne ne sait et ce que la vieille renure tient à découvrir. Trop spirituel pour croire à la passion de Madame R., il se demande quel mobile la pousse à jouer pour lui cette petite comédie amoureuse et il saisit toutes les occasions de voir et d'étudier la superbe étrangère. Ce n'est pas tout. Depuis quelques jours, il s'est, on ne sait pourquoi, mis en tête de la faire abjurer. Madame R. est juive de naissance et grecque de religion. Dammartin la veut catholique. Ou pas du tout, et cet ultimatum la décidera probablement à abjurer pour la troisième fois. Près de cette grande et plantureuse femme, la vieille renure est encore amoindrie. Il a l'air de sortir de sa poche. « Tiens, voilà Madame R. » dit Madame de Guibray, faisant un mouvement pour aller à elle. Son mari la retint. « Eh bien, regardez, je vous en prie, d'un autre côté. Je désire que vous vous rencontriez le moins possible avec elle. Pourquoi ça ? Parce que cette étrangère, sortie on ne sait d'où, n'est pas, pour une femme honnête, une relation convenable. Elle reçoit un monde louche. « Des gens du gouvernement ?» dit Josette. Monsieur de Guibray se mit à rire. « Et bien d'autres encore ? Rastaquer, polonais, etc., etc. Enfin, elle est toujours escortée de Dammartin, et je ne veux pas que vous approchiez de cet être-là. Il salit tout ce qu'il touche. » Et Monsieur de Guibray enveloppa sa femme d'un regard si plein d'amour que Pierre de Lafère en fut attristé. « Il adore donc sa femme, ce pauvre Guibray ? » dit-il à Monsieur de Scaer qui les rejoignait, abandonnant Madame de Villefranche avec les Jurieux et le baron Jassy. « Mais oui, » répondit l'oncle Jean, et montrant de l'œil Monsieur de Lalonde, il ajouta « Il n'est pas le seul. »« Quelle est cette jolie femme ?» demanda Madame de Guibray, désignant une fort belle personne qui, à deux pas de là, causait avec l'aréole. « Vous devez savoir ça, Monsieur de Scaer, vous qui connaissez tout le monde. »« C'est Mademoiselle Fanny Keyes, madame, artiste vaudeville à ses moments perdus, mais ces moments-là sont si rares. » Puis, se penchant à l'oreille de Pierre, « C'est pour le moment la maîtresse de Moret. » « Ta nièce le sait ? » ?»« C'est probable. » « Tu comprends que les bonnes petites amies et les bons petits camarades s'empressent de la tenir au courant, à mot couvert, autrement elle ne le souffrirait pas. Les femmes, pour la faire enrager, les hommes, dans le doux espoir qu'elle cherchera à se venger. » Une espèce de monsieur abordait Josette, la saluant profondément. « Madame la comtesse me pardonnera d'oser l'arrêter, mais ma femme m'a dit que Madame la comtesse est passée à la maison. « Madame la comtesse, eh bien... »« Mais non, je ne sais pas, » dit Madame Moret, impatientée par les façons serviles de cet individu. « C'est pour le tableau de Courtois. Je suis Bertram, le marchand de tableaux. »« Ah, je ne vous reconnaissais pas. Eh bien, ce tableau, l'avez-vous ?»« Non, mais si Madame la comtesse tient toujours à l'avoir, nous savons où il est. »« Où ça ?»« Chez un monsieur très chic. » Un amateur, mais un amateur qui revend quand il a eu un tableau quelque temps, et comme il y a déjà bien un an qu'il a celui-là. Seulement, il vaut mieux que ce soit Madame la Comtesse qui essaie elle-même de l'avoir, puisque Madame la Comtesse y tient tant. C'est plus sûr, parce que nous ne faisons plus d'affaires avec ce monsieur. C'est bon, j'irai. Où est-ce ? Je ne sais pas l'adresse, comme nous n'étions pas sûrs, mais je vais m'informer. « Je l'enverrai à Madame la Comtesse. »« Informez-vous aussi à quelle heure on peut parler à ce monsieur. Vous direz pourquoi. Merci. » Causant toujours avec Fanny Keyes, l'aréole l'avait tout entendu. Il eut un rire méchant et plantant la Fanny, étonnée. « Pardon, un mot à dire à un ami. » Il rattrapa Dammartin, qui, abandonnant enfin Madame R. à ses amis politiques et exotiques, regardait les pastels de l'entrée. « Dites-moi, mon cher, pouvez-vous me rendre un service d'ami ?» La vieille renure fit la grimace, attendant une demande d'argent. « Prêtez-moi votre appartement demain, de 2 à 6, voulez-vous » ?»« Avec plaisir, » dit Dammartin soulagé. « J'ai à recevoir quelqu'un qui ne peut venir chez moi. » Et baissant la voix, « Madame Moret. » La vieille renure, du haut de sa petite taille, toisa l'aréole avec un mépris infini. « Un rendez-vous avec la belle Josette. Vous, allons donc, quelle blague. Racontez-moi ce que vous voudrez, mais pas celle-là, elle est trop forte. » « Peu importe, » dit l'aréole vexé. « Puis-je disposer de l'appartement ?»« Absolument. Je disparaîtrai à 1 heure et je ne rentrerai que pour m'habiller à 7 heures. Vous donnerez vos ordres à Baptiste. Il est très discret. Vous permettez que je vous quitte. Il y a un courant d'air affreux lorsqu'on ouvre cette seconde porte. Au revoir. » Et saluant de la main, la vieille renure s'esquiva rapidement. L'aréole tira de sa poche un carnet et écrivit en équilibre, mal appuyé sur le carnet trop petit, ce qui, faisant trembler et zigzaguer son écriture, la rendait méconnaissable. Demain, de 2 à 5, Madame la Comtesse peut voir le tableau chez Monsieur le Marquis de Dammartin, numéro rue Montaigne. Monsieur sera sorti et le valet de chambre aura les instructions. Toujours aux ordres de Madame la Comtesse, j'ai l'honneur d'être son dévoué serviteur, Bertram. Il arracha la page, la plia, écrivit l'adresse, et sortant dans la rue de Sèze, appela un commissionnaire auquel il remit le mot. Puis il rentra à l'exposition. Il rayonnait. Certes, en menaçant hier la comtesse de la retrouver un jour ou l'autre, il n'espérait pas que ce jour fût le surlendemain. Pourtant, il touchait au but. Avec un peu d'adresse, Josette serait à lui de gré ou de force. Il souhaitait que ce fût de bonne volonté, mais en cas de résistance, il était bien décidé à tout et il se dit, en passant près de la jeune femme, qui, dédaigneuse, affectait de ne pas le voir. « Demain, à pareille heure, elle sera moins superbe. » Nerveux, inquiet, il frémissait en pensant au lendemain. Il éprouvait pour Madame Moret la seule passion qu'il eût jamais ressentie et, précisément, elle était peut-être la seule femme à laquelle il n'inspirait que du dégoût. « Vous semblez méditer profondément, » lui dit en riant Lagardy. S'arrachant à sa préoccupation, l'aréole répondit en désignant Mademoiselle Ledru. « C'est que je n'ai pas, comme vous, une agréable distraction. Je suis ici tout seul, moi. Moi aussi, M. Moret m'a supplanté. » Et restant arrêté, tandis que ses compagnons continuaient, sans s'apercevoir de son absence, il reprit. « Dites donc, le père Ledru vous parlait tout à l'heure. Ça dégringole encore, je parie. » « Parbleu. J'y suis de 15 000, et pour moi c'est beaucoup. Ce qui me fait rager, c'est que je soupçonne Ledru de nous voler. Moi, j'en suis sûr. » « Mais sac à papier, il faut le dire alors. Il faut crier, demander des comptes. » « Mon cher Lagardy, vous êtes plus à même que qui que ce soit d'attacher le grelot. » « Vous n'avez qu'à glisser un gentil petit entrefilet dans votre journal. Il est probable que les actionnaires sérieux dresseront l'oreille. Et il y a beau temps que ce serait fait si... Ah oui, c'est vrai, la fille. J'oubliais que vous avez un culte pour Mademoiselle Geneviève. » « Que voulez-vous? Elle m'intéresse. Cette jeune fille, poussée comme une fleur sur ce fumier, elle est ravissante et bonne, simple, bien élevée, économe. » « Oh, quant à ça... » « Vous la croyez dépensière parce qu'elle est élégante? Eh bien, détrompez-vous. C'est elle qui fait valoir les moindres toilettes. Toutes ses robes sont faites chez elle par une femme de chambre ou chez de petites couturières de rien du tout. » « Vous m'étonnez, » dit narquoisement l'aréole. « Je le sais bien. L'an dernier, elle se faisait habiller chez celle qui habite notre maison. Vous auriez pu aussi la rencontrer dans l'escalier. » L'aréole sourit. « C'est elle qui vous a avoué qu'elle se faisait habiller là ?»« Mon Dieu, oui. Elle m'a dit cela tout gentiment. Pourquoi riez-vous »« Parce que vous êtes d'une candeur. Croyez-vous, mon cher, si vous ne vous abstenez que par respect pour la fille, vous pouvez taper sans scrupule sur le père. »« Croyez-vous donc ?»« Je crois que tout homme d'esprit que vous êtes, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. » Son mauvais sourire s'accentuait davantage. Il continua. « Vous savez, je parle sciemment. Mademoiselle Ledru ne venait pas dans notre maison pour s'y faire habiller. Au revoir. »« Canaille va, » murmura Lagardy, le regardant s'éloigner, puis réfléchissant. « Est-ce que je ne serais qu'une fichue bête ? C'est possible, après tout. »« C'est égal, ce qu'il vient de faire là n'est pas plus propre que ça. » Écœuré, Le journaliste alla s'asseoir près de la vieille madame Moret, qui, toujours plantée sous le palmier, attendait patiemment sa belle-fille et regardait un lorgnon d'écaille à la main. « Vous étudiez le monde, madame ?»« Le monde, si vous voulez. » »« Un singulier monde, » dit monsieur de Lafère, que la présence du baron Jassy éloignait momentanément de Josette. « Oui, » répondit madame Moret. « Bien peu parmi tous ces gens-là sont dans une situation nette. Sur presque tous, on sait quelque chose. On ne sait rien, ce qui est pire encore. Vous avez raison, monsieur de Lafère. Pas un n'a un passé absolument connu et de plusieurs, on ignore même le présent. Cependant, demanda Lagardy, les Guibray, par exemple. Eh bien, mais nul ne sait où monsieur de Guibray a pêché sa femme. Elle est charmante. Ça dépend des goûts. Et les Jurieux ? Dit encore Lagardy, sachant madame Moret incapable de calomnier personne et désireux de se procurer ainsi des renseignements sûrs. Les Jurieux. Ils ont vécu d'expédient dans quelques coins connus, jusqu'au jour où ils se sont mis à jouer à la bourse. Chacun joue de son côté. Le mari est toujours dans la poche de Sinaï, ou d'un autre financier quelconque, qui le traite comme un nègre, mais lui donne des renseignements, flatté qu'il est d'être lié avec le vicomte de Jurieux. Un vrai vicomte, de vieille race, qui possède un titre qui ne lui a rien coûté. La femme, encore jolie, quoique fanée, se procure aussi des renseignements par tous les moyens et à toutes les sources. Le baron Jassy a depuis quelque temps, dit-on, accaparé le monopole. Les cheveux noirs et le teint mat de madame de Jurieux ont tourné la tête au pauvre homme. Vous le plaignez ? Dieu m'en garde. Je constate au contraire, avec plaisir, que ce prince de la finance, comme vous dites dans vos articles, a son petit point faible tout comme un autre. Très gentille, du reste, cette petite du Jurieux. Vive, remuante, l'esprit mousseux. Ce n'est pas comme madame de Villefranche, que j'aperçois là-bas avec monsieur de Scaer. Il est vrai que celle-là est si belle qu'on peut se passer d'esprit. Elle n'est pas aussi nulle que vous le croyez, dit monsieur de Lafère. Elle a de l'intelligence et aurait même du cœur à l'occasion. Ce qui l'a fait le mal juger, c'est qu'elle est nonchalante, distraite, rêvassante. C'est une chercheuse d'infini. Je crois plutôt, dit Lagardy, que c'est une infiniment chercheuse. Au lieu de dire des méchancetés, regardez la belle madame Har. Merci, je la sais par cœur, on ne voit qu'elle. Josette s'était approchée. Pauvre maman, vous vous ennuyez? Mais non, ces messieurs ont eu pitié de moi et nous causons. Vous causez? Alors je reste. Il n'y a pas grand-chose à regarder d'ailleurs. Aelbutte et Madeleine Lemaire sont absents. Il n'y a pour moi que Lewis Brown, Béraud, Duez et Lambert. Les autres sont si ennuyeux. Vous ne savez pas, maman, je vais probablement avoir le tableau de Courtois, celui que j'ai manqué l'an dernier. La petite femme? Oui. Comment, vous vous en souvenez? Dame, vous m'en avez tant parlé. Figurez-vous, continua la vieille dame, se tournant vers Lagardy et Pierre, que quand Josette a en tête un tableau qu'elle ne peut se procurer, elle ne parle plus d'autre chose et elle le guette au passage avec une ténacité de vieux braconnier. Peignez-vous encore ? Demanda Pierre. Toujours. Et vous aimez toujours les oseurs ? Vous souvenez-vous de votre horreur des poncifs ? Elle a été en grandissant. C'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui plus forte que jamais, mais j'ai traversé une crise, oui. À 20 ans, j'ai aimé Bouguereau. Il est juste de dire que ça n'a pas duré. Et revenant à son idée, « Donc, maman, j'aurai la petite femme. Elle est chez un monsieur qui veut bien la vendre. On m'enverra l'adresse. Qu'est-ce que vous regardez ?» Et la comtesse, suivant des yeux la direction dans laquelle regardait sa belle-mère, vit madame de la Saussaye et le vicomte de Luxeuil. « Franchement, dit à demi-voix madame Moret, quand on voit cela, les autres semblent presque honorables. « Pauvre femme, dit Lagardy qui éclata de rire. « C'est elle que vous trouvez à plaindre ? Demanda Josette. Et elle ajouta. « Je trouve qu'il eût été préférable pour monsieur de Luxeuil de m'épouser quand il en avait le projet. À propos, il paraît que ma tante de Jouan a une véritable entreprise de mariage, un appartement somptueux où elle donne des dîners succulents. Tiens, au fait, c'est vous, monsieur Lagardy ? qui m'avait raconté ça. » Madame de la Saussaye et Monsieur de Luxeuil étaient maintenant tout près d'eux. Grande, forte, vigoureusement bâtie, Madame de la Saussaye, qui a été remarquablement belle, est encore bien. Elle avoue 39 ans, en a 54, et se peint assez habilement pour dissimuler 4 ou 5 années. Le vicomte de Luxeuil, mince, fluet, excessivement blond, le teint rose, les cils pâles, la figure poupine, paraît plus jeune que ses 35 ans. Il est de ceux qu'on appelle indéfiniment un petit jeune homme, alors même que la quarantaine a sonné depuis longtemps. En ce moment, il semblait discuter vivement à propos d'une aquarelle très décolletée. « Tout ce que vous voudrez, » disait le vicomte de sa petite voix perçante, « mais je ne crois pas à ces poitrines-là, moi. Elles n'existent que dans les tableaux. » Madame de la Saussaye se récriait, indignée, mais parlant bas. « Comment vous ne croyez pas, malhonnête, et vous criez ça à tue-tête ? Tenez, vous n'avez aucun tact. » « Ce n'est pas l'aréole qui aura fait une pareille gaffe, » dit Lagardy. « Il était dressé, l'aréole, et malin. Il jouait la grande passion. Avec les femmes de cet âge-là, il n'y a que ça. Allons, il est 5 heures, il faut que je me sauve. »« Et mes 5 heures ? » s'écria Josette. « Je n'y pensais plus. » Elle n'y pensait plus, parce qu'elle n'y pensait jamais qu'à cause d'André. Elle savait que chaque jour, M. de Lalonde était fidèle à son 5 o'clock. Que lui importait à présent. Elle rentrerait toujours assez tôt. Elle était de plus en plus fiévreuse, mais moins triste qu'en arrivant. L'attitude d'André atténuait en quelque sorte son chagrin. Monsieur de Lalonde s'était diminué à ses yeux, elle l'aimait moins depuis qu'elle le trouvait moins parfait. Madame de la Saussaye avait vu Mesdames Moret. Elle a couru à elle, tandis que Luxeuil, embarrassé de son personnage, restait le nez collé contre la grande aquarelle de Vibert. « Ma chère belle, » dit Madame de la Saussaye à Josette, dans ce langage précieux qu'elle affectionne, « vous viendrez à mon bal, n'est-ce pas ? Je n'ai pas la prétention de donner une fête aussi réussie que celle des Ledru, mais ce sera gai, vous verrez. »« En quoi vous costumez-vous chez Ledru ? Et chez moi ?» Puis, s'adressant à Madame Moret, « chère madame, je compte aussi sur vous. » La vieille femme remercia froidement. Elle ne sortait jamais. Néanmoins, on sentait au ton du remerciement que, fût-elle allée dans le monde chaque soir, elle n'eût pas été chez la protectrice du vicomte de Luxeuil. « Votre mari est-il encore ici ? » demanda Madame de la Saussaye à Josette. « Oui, le voilà. Vous voulez lui parler ? » ?»« Je voudrais lui demander un renseignement très important. Il a beaucoup d'alliances universelles, n'est-ce pas ? » ?»« Mais je ne sais pas du tout. » « Oui. » dit vivement Madame Moret. « Il en a, je le sais, moi. »« Eh bien, l'aréole me disait tout à l'heure que cette valeur baisse si rapidement qu'on s'attend à une catastrophe. J'en ai pour une somme très considérable, et je ne serais pas fâché de savoir à quoi m'en tenir. Comme votre mari est non seulement actionnaire, mais aussi ami de la maison, je pense que Ledru doit le mettre au courant de la situation réelle, des hauts et des bas. »« Plutôt des hauts, » murmura l'affaire, si bas que Madame Moret seul entendit. « Paul, » appela-t-elle d'une voix un peu étranglée en allant vers son fils, « Paul, Madame de la Saussaye veut te parler. » M. Moret sembla ennuyé et, s'excusant, quitta Mademoiselle Ledru. Madame de la Saussaye l'entreprit aussitôt et, le poussant insensiblement dans un angle où elle l'emprisonna, se mit à parler avec animation. « Je crois, maman, que nous pouvons nous en aller, » dit Josette. Elle voyait l'inquiétude de sa belle-mère et préférait qu'elle ne questionnât son fils qu'à la maison.